la mise en liberté. Après ce rude hiver, un seul oiseau restait dans la cage où jadis tout un monde chantait. Le vide s'était fait dans la grande volière. Une douce mésange, autrefois familière, était là, seule, avec ses souvenirs d'oiseaux. N'être jamais sans grains, sans biscuits et sans eau, vous rentrez quelquefois dans sa cage une mouche, c'était tout son bonheur. Elle en était farouche. Rien, pas même un serin, et pas même un pierrot. La cage, c'est beaucoup, mais le désert, c'est trop. Triste oiseau, dormir seul, et quand l'aube s'allume, être seul, affouillé de son bec sous sa plume. Le pauvre petit être était redevenu sauvage, à faire ainsi tourner ce perchoir nu. Il semblait, par moments, s'être donné la tâche de grimper d'un bâton à l'autre, sans relâche. Son vol paraissait fou. Puis soudain, le reclus se taisait, et, caché, morne, ne bougeait plus. À voir son gonflement lugubre, sa prunelle, et sa tête ployée en plein jour sous son aile, on devinait son deuil, son veuvage, et l'ennui du joyeux chant de tous, dans l'ombre évanouie.